Bang bang, ça fait. J'ai jamais compris ce qui peut pousser les hommes à confondre le mal et le bien. J'ai beaucoup appris, maintenant plus rien ne m'étonne. À part la nonchalance des miens, on nous apprend déjà vite à l'école que le bonheur ça va, ça vient. Quand le vent tourne, change ton fusil d'épaule. Ne fais même pas confiance aux tiens. Beaucoup de vautours t'environnent dans le bonheur. Et ces mêmes vautours seront là dans ton malheur. Quand j'étais rien, ils me donnaient même pas l'heure. Maintenant, quand je les vois, ils me disent à tout à l'heure. Y'avait personne quand je rôdais la nuit. Besoin d'un toit, y'avait très peu d'amis. On se croisait en ville, mais vos regards qui fument ont soudainement rappelé la froideur de la vie. Mais je vous en veux pas. Non, je vous en veux pas, car chacun fait sa route. C'est vrai que sur la mienne, j'ai croisé quelques doutes. Mais comment les taire quand personne ne t'écoute? Ce monde me dégoûte. J'ai tellement ramé, mais ça personne ne sait. Je deviens plus dangereux qu'un animal blessé. J'ai fermé mon cœur pour pas me faire baiser. Eh, ça fait trop longtemps, j'ai tout gardé pour moi. Eh, dormir sur des bancs, ça m'a fait faire des choix. Eh, des fois je me demande qui font vraiment les lois. Eh, tu sais, même un pion peut achever le roi. Vous ne comprenez rien. Quand je vous parle, j'ai l'impression que ça coince. Vos regards sont vides et vos idées sont minces. Tu crois dans un rêve et t'attends qu'on te pince. Mais gros, tiens-toi bien. Car accepter la vie, c'est accepter la mort. Tu perds des amis quand tu deviens plus fort. Tu sais ce qu'on m'a dit, que la patience est d'or. Alors j'attends mon heure. Mais être patient, ça veut pas dire rien faire. J'étais feignant, je suis devenu charbonneur. Ceux qui bougent pas ne feront pas d'un père. J'ai pas trop le temps à donner à cet honneur. La bête solitaire est tout en haut de la chaîne. Je rentre dans la pièce, l'ambiance est malsaine. Ma rage se libère sous les coups de ma peine. Te face comme une pièce, des démons scalzènes. Qui sont les vrais? J'en vois tellement peu. Les couteaux, je les ai dans le dos, pas dans la poche. Je dois tirer un trait, à fumer la bœuf. Je deviens parano quand un bâtard s'approche. J'avais des amis qui sont devenus des légumes et d'autres. On trahit pour une poignée de dollars. Tu veux mon avis? Bah faut connaître le beat. Tu m'avant de l'ouvrir et ça passer pour un dollar. Des bâtons dans les roues quand j'avance vite. J'ai des fils à l'eau qui me guettent. Leurs paroles m'incitent à prendre la fuite en secret. Tu sais même pas pourquoi je m'inquiète. Puisqu'il faut se battre, on ira se battre jusqu'à ce que la flemme m'arrête. C'est pas le moment de faire la fête. Y'a que les bras qui tombent sans tête. 24 ans de vie et je me sens comme un vieux sage. J'observe avant de réfléchir. Au frais j'ai grandi, j'anticipe tous les virages. Je fais gaffe à ce que je vais devenir. 24 ans de vie et j'accumule les images. Très peu me donne envie de sourire. Toutes les belles choses ne sont que des mirages. Et j'ai du mal à m'en souvenir. Tous ces petits saints qui se tapaient un boulot de merde pour un salaire de clodo, qui se farcissaient le métro tous les jours pour aller bosser et qui s'angoissaient pour leur fin de mois, c'était des zéros, des poires, ils avaient rien dans le froc. Si on voulait quelque chose, on se servait. Au bout d'un moment, ça devenait normal. On voyait plus ça comme des crimes. Et y'a ces voix qui disent bang bang. Quand je vois tout rouge dans le noir, gros y'a toutes ces voix dans ma tête, c'est un gang bang. Depuis que j'ai perdu espoir, eh. Et y'a ces voix qui disent bang bang. Quand je vois tout rouge dans le noir, gros y'a toutes ces voix dans ma tête, c'est un gang bang. Depuis que j'ai perdu espoir, eh. Bang, bang.